Non, je n'ai rien d'oublié des errances, de mes jeunes espérances plantées dans les reins. Et si je m'enfuis demain, c'est sans plan ni dessein. Je filerai sans lien au vent qui me porte, main dans la main, des folies qui m'escortent. Non, je ne peux pas vendre mon insouciance, ni mes cris d'impatience, ni mon cœur amoureux. Et si je m'en demain, c'est sans plan ni dessein. Je filerai sans lien au vent qui me porte, main dans la main, des folies qui m'escortent. Pays plus merveilleux que celui tout là-bas, dont nos rêves sont envieux. Si je m'enfuis demain, c'est sans plan ni dessein. Je filerai sans lien au vent qui me porte, main dans la main.